président Mobutu, ma peuple m'a dit au motema, Mobutu Mwana, ma peuple m'a dit au motema, c'est pas mon cas Congo, la jeunesse perdit en confiance. Président Mobutu, ma peuple m'a dit au motema. Mobutu Mwana, ma peuple bâti au motema. Président José Désiré, ma peuple bâti au Mwana Kombo. Président Mobutu, ma peuple bâti au motema. Mobutu Mwana, ma peuple bâti au motema. Président Mobutu, Ovanda Mola Zamina Ebonga. Président Mobutu, ma peuple bâti au motema. Mobutu Mwana, ma peuple bâti au motema. Mon aîné a si kazaï, Zahir, et pèse l'okumona mokaï. Président Mobutu, ma peuple bâti au motema. Mobutu Mwana, ma peuple bâti au motema. Il en habite en Isano, et il Président Mobutu, ma peuple bâti au motema. Mobutu Mwana, ma peuple bâti au motema. Kimia esangina moka, ma peuple bâti au mandane moka. Président Mobutu, ma peuple bâti au motema. Mobutu Mwana, ma peuple bâti au motema. Président Mobutu, ma peuple bâti au motema. Mobutu Mwana, ma peuple bâti au motema. Simba Mboka Congo, la jeunesse pèse en confiance. Président Mobutu, ma peuple bâti au motema. Mobutu Mwana, ma peuple bâti au motema. Président José Désiré, ma peuple bâti au Mwana Congo. Président Mobutu, ma peuple bâti au motema. Mobutu Mwana, ma peuple bâti au motema. Mobutu, Papeple Batio Motema, Mobutu Mwana, Papeple Batio Motema.